إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Donc on va continuer aujourd'hui l'explication de Al-Usul Sitta du Cheikh avec le Sharh du Cheikh Ubayd al-Jabiri. Et aujourd'hui c'est le cours numéro 3. On est toujours dans le deuxième fondement au sujet de l'ordre de s'unir et de ne pas se diviser dans la religion. On a lu les versets du Coran qui se rapportent à ce sujet. Et aujourd'hui, inshallah, qu'est-ce qu'on va lire ensemble maintenant? C'est les hadiths qui ont été mentionnés sur cette question. Et juste avant de rentrer dans ce sujet, il y a juste un point ou deux que je voudrais clarifier par rapport au cours qu'on a fait sur Al-Ikhlas. Parce que j'ai, en même temps, en plus de ce qu'on a expliqué dans le premier cours et dans le premier cours de ce livre, on n'a pas mentionné beaucoup de choses sur Ar-Riya, mais c'est très important d'en parler. Et j'écoutais justement le Sharh de Cheikh Saleh Al-Fawzan de Kitab al-Tawhid hier, et il parlait du chapitre de Ar-Riya. Et plusieurs personnes ont posé la question au Cheikh au sujet du fait de, par exemple, donner des cours ou des choses comme ça, puis faire des khutab. Hein, ou bien des questions qui ont rapport avec ça, ils demandaient, certaines personnes demandaient, est-ce que le fait de, par exemple, donner des cours ou bien faire la khutba ou des choses comme ça, si on ressent du riya en nous-mêmes dans ces choses-là, est-ce que on doit laisser tomber? Est-ce qu'on doit laisser tomber l'action? Et à chaque fois, le cheikh, il a répété, à chaque fois qu'on lui a posé cette question, il a dit, si vous trouvez du riya en vous-même, repoussez le riya. Mais n'abandonnez pas l'action. Hein? Et il a mentionné les paroles de l'imam Nawawi à ce sujet-là, que de faire des actions pour faire plaisir aux gens, c'est du riya, et que d'abandonner une action par crainte de riya, ça rentre aussi dans le shirk. Donc, il y a des gens parmi les jeunes frères, et parmi les toulab al-ilm, parfois ils disent, moi je ne veux pas prendre la parole devant les gens. Je ne veux pas commencer à donner des cours. Alors que c'est des gens qui ont étudié, soit qu'ils ont des diplômes de l'université de Médine ou d'autres universités islamiques, ou bien ils ont étudié avec des ulama, et ils ont du ilm, ils ont la capacité de transmettre cette science. Et ils utilisent des faux prétextes pour s'abstenir d'enseigner. Par exemple, ils disent, j'ai peur d'avoir du riya. Hein? Et de s'abstenir de faire des bonnes œuvres, des actions par crainte de riya, ça aussi, ça rentre dans le riya. Hein? Et donc, il ne faut pas que quelqu'un utilise ce prétexte-là. Des fois, ce n'est pas à cause du riya qu'il ne veut pas faire des actions. C'est à cause de la paresse. Hein? C'est à cause de la paresse. Ou bien c'est à cause de la peur des responsabilités. Et il faut savoir que lorsqu'on prend cette responsabilité-là et qu'on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va nous aider. Et il va nous donner de la force qu'on n'a même pas. Et il va donner du courage qu'on n'a même pas. Hein? Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Intansurullah yansurkum. » « Ya ayyuhal nabi yuballigh ma unzila ilayka min rabbik. » فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset: ô prophète, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, alors tu n'as pas transmis son message, et Allah va te protéger des gens. Allah va te protéger contre les gens. Donc le da'ya et le talib ilm, il a juste une chose à se soucier, c'est de faire preuve d'ikhlas et de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon qu'il est capable, bien entendu dans les limites de sa connaissance, hein. Et s'il fait ça avec sincérité, inshallah il aura l'ajr. Donc ça c'est juste un petit point que je voulais mentionner à ce sujet là que yani, il ne faut pas que riya devienne un obstacle aux bonnes œuvres. Et aussi, il y a une autre chose aussi que je voudrais mentionner juste avant de commencer, c'est juste que, alhamdoulilah, je suis très content de constater que, mashallah, les frères ici, vous êtes très motivés, et puis je constate que, mashallah, vous faites des efforts, donc ça c'est quelque chose de bien. Et c'est quelque chose qui manque chez nous, à Montréal ou au Québec, si on veut, cette motivation-là chez les frères, de faire beaucoup d'efforts pour augmenter leur connaissance de l'islam ou leur compréhension de l'islam, ou bien pour se rappeler des choses qu'ils ont déjà appris, mais yani, de participer aux activités comme ça, yani, ça c'est quelque chose de très très important, puis yani, c'est quelque chose qui nous manque chez nous, et malgré ce que certaines personnes pourraient s'imaginer, comme beaucoup de frères ils m'ont déjà posé la question, comment elle est la da'wa chez vous, hein? Et déjà s'imaginent que nous à Montréal on a une da'wa très forte et qu'on est très nombreux, alors que c'est pas le cas. La réalité c'est qu'on est très peu nombreux et que yani, on n'est pas très fort ni organisé non plus, mais on essaie par les moyens qu'on a de faire ce qu'on peut, hein? Parce que les gens de bid'a chez nous à Montréal sont très très forts, ils sont très organisés, ils ont beaucoup beaucoup de moyens, et c'est pas comme ici, hein? Donc c'est juste des points que je voudrais vous faire savoir comme ça pour en fait vous encourager à faire encore plus d'efforts dans le bien et à comprendre que même si vous par exemple ici vous pensez peut-être que vous avez encore rien fait ou que vous n'avez pas encore beaucoup fait d'efforts, dites-vous que il y a d'autres personnes qui sont encore plus loin que vous ou bien qui n'ont pas encore fait la moitié de qu'est-ce que vous avez réussi à faire. Donc ça c'est juste pour commencer. Ensuite on va commencer, continuer donc à lire les paroles du Cheikh. Cheikh il dit: al-mabhath al-thalith al-ahadith al-dalla ala al-amr bil-ijtima'i ala al-din. Ces points que le Cheikh il mentionne maintenant, qu'est-ce qu'on a lu hier et aujourd'hui, ce sont des points très très importants à comprendre dans notre manhaj et dans les fondements de l'Ahl-Sunnah, et en particulier à notre époque, parce que en ce moment maintenant, parce qu'on est en plein dans la fitna. Et donc c'est important qu'on connaisse les questions qui ont rapport à ces sujets-là, qu'on connaisse les preuves et qu'on sache comment comprendre ces problèmes-là. Le Cheikh il dit donc: لنتأمل نصوص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تفوق الحصر فنذكر أولا حديث افتراق الأمم وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة طرقه قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، نعم، جماعة الحق التي انتهجت الكتاب والسنة وصارت على هدي السلف الصالح هذه الأمة الناجية، وهي الطائفة المنصورة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهي الطائفة المنصورة وهي السلفية. Donc le Cheikh il dit: on va analyser ensemble les textes de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elles sont très très nombreuses, on ne peut pas les limiter ou les calculer tellement elles sont nombreuses. Et en premier, il y a le hadith Yarhamukallah. Il y a le hadith au sujet de la division des différentes nations, qui est au degré du sahih, puisqu'il est rapporté par tellement de différentes voies et de différentes chaînes de transmission. Et c'est le hadith de la division, de la Ummah. Ça dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que cette Ummah va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Et ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle est-ce au messager d'Allah, c'est-à-dire laquelle sera au paradis parmi ces sectes, et il a dit c'est la Jama'a. Hein, c'est la Jama'a. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question justement hier à ce sujet-là, en me disant que parmi les gens de Bid'a, il y en a qui disent que la Ummah, ou la Ummah en question dans le Hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle hadith l'Ummah, il dit que c'est Ummah al-Da'wah et non Ummah al-Istijaba. Et ça c'est incorrect. Ummah al-Da'wah, ça veut dire que ça comprend les juifs et les chrétiens. En voulant dire que, par exemple, comme certains l'ont essayé de l'interpréter, que les juifs sont divisés en 71 et les chrétiens sont la 72e et les musulmans sont la 73e. Hein? Donc ils ont essayé d'interpréter le hadith de cette façon-là pour essayer de faire croire, comme si en voulant dire que c'est pas 73 sectes dans l'islam, mais 73 sectes en tout par rapport aux juifs et aux chrétiens, et que l'islam est une d'entre ces différentes sectes. Là, c'est une déformation de la signification du hadith. Et la Ummah dont on parle ici, c'est pas Ummah al-Da'wah, c'est Ummah al-Istijaba. C'est-à-dire, la Ummah, ceux qui ont accepté la da'wah de l'islam et qui ont cru en le Coran et la Sunna. Donc, c'est de eux qu'on parle, et que c'est parmi cette Ummah qu'il y aura la division en 73 sectes. Et tous les ulama d'Ahl al-Sunnah qui ont utilisé ce hadith, hein, ils l'ont utilisé dans ce sens-là. Hein, ils l'ont utilisé dans le sens de réfuter les gens de la division. Et réfuter les gens de Bid'a. Et retourner à tous les livres d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a des imams, dans leurs livres, ils se réfèrent toujours à ce hadith-là pour blâmer les groupes et les sectes d'égarement qui ont dévié et qui ont inventé des innovations dans l'islam, et non pas pour parler des religions précédentes ou des peuples précédents uniquement. Donc, c'est juste un petit point en passant par rapport à ça, une choubha que les gens essaient de propager parmi les individus qui suivent autre que la voie des salafs. Donc, la Jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le groupe qui sera sauvé, c'est la Jama'a. Hein, c'est la preuve que cette Ummah n'est qu'une seule Jama'a, un seul groupe. Il n'y a pas différents groupes islamiques en réalité. Il ne doit y en avoir qu'un seul. Et c'est celui qui suit le Coran et la Sunna selon la guidance des salafs salih. C'est ce groupe-là qui est sauvé. Et c'est le groupe victorieux. Hein, et ça, c'est la preuve que l'interprétation de ces gens-là, de Ummah al-Da'wah, c'est incorrect, puisque le hadith du groupe victorieux, il vient réfuter leur interprétation. Puisque le hadith du groupe victorieux mentionne que c'est un groupe qui va rester sur la vérité dans cette Ummah. Hein? Et donc le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith justement du groupe victorieux, qu'il y aura toujours un groupe de ma Ummah qui va être sur la vérité, qui va être victorieux sur la vérité. Et ceux qui les abandonnent ou qui s'opposent à eux ne pourront pas leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le groupe victorieux qui est en fait As-Salafiyya, la voie des Salafus Salih. Ensuite le cheikh il mentionne un autre hadith, al-hadith al-thani, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, al-hadith. هذا أمر بالاجتماع على دين الله ونهي عن التفرق حيث وحث على التمسك بالكتاب والسنة وبسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لأن الصحابة هم أعرف الناس بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو أسبق الناس إلى الفضل، والتابعون هم أعرف الناس بسيرة الصحابة. Donc le cheikh dans ce deuxième hadith il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les meilleurs hommes sont ma génération, puis celle qui vient par la suite, puis celle qui vient par la suite. Donc il y a dans ça l'ordre de se réunir sur la religion et l'interdiction de se diviser. Hein, et une incitation à s'accrocher au livre et à la sunna et à la voix des salaf al-salih parmi les sahaba et les tabi'in. Parce que les sahaba sont ceux qui connaissaient le plus la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est eux qui étaient toujours les premiers vers vers qu'est-ce qui est méritoire et qu'est-ce qui est bien. Et les tabi'un sont les personnes qui ont le plus de connaissances au sujet de l'exemple des sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on se retourne vers eux et on suit leur exemple, c'est sûr que ça va nous inciter à rester unis et à ne pas se diviser. Al-hadith al-thalith qawluhu sallallahu alayhi wa sallam zaruni ma taraktukum alayhi فإنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يحتوي هذا الحديث أولا على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته. ذروني ما تركتكم عليه ثم قال فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Donc ça c'est le troisième hadith. Il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ذروني ما تركتكم, laissez-moi tant que je vous laisse. Et les gens ont péri, les gens avant vous ont uniquement péri parce qu'ils posaient trop de questions à leur prophète et parce qu'ils ont divergé avec leur prophète. Donc ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous êtes capable, et ce que je vous interdis de faire, alors abstenez-vous-en. Et le cheikh explique que ce hadith, il comprend plusieurs enseignements, plusieurs points. Parmi ces points-là, le fait de s'accrocher à la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de s'accrocher à sa sunna, puisqu'il dit hein, laissez-moi tant que je vous laisse, dans le sens que yani, en fait, c'est par rapport à qu'est-ce qui suit par la suite, de ne pas poser trop de questions dans la religion. Puis après, il dit, et ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous êtes capable. Donc, c'est de s'accrocher à ce qu'on est capable de la sunna et de rester accroché à ça. Thaniyan, at-tahziru an al-ikhtilaf wa at-tahziru min al-ikhtilaf. بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فالأمة إذا اختلفت على نبيها معرضة للهلاك. Donc l'avertissement, ça c'est le deuxième point, l'avertissement contre la divergence et l'avertissement contre le fait de diverger. Et ça c'est expliqué dans le hadith lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ceux qui ont vécu avant nous ont péri à cause des nombreuses questions qu'ils posaient à leur prophète. Ils posaient trop de questions et en même temps des divergences qu'ils avaient avec leur prophète. Donc ça c'est une des choses qui amène la umma à sa perte hein, et à la destruction lorsqu'ils divergent d'avec leur prophète. الأمر الثالث فيه سر بديع من أسرار التشريع أن الأوامر يعفى عن الإنسان ما يعجز عن فعله أما النواهي فلا عفو فيها بل يجب ترك المنهي عنه بالكلية ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Donc le cheikh il dit que le troisième point dans ce hadith c'est en fait un genre de, il y a un petit secret parmi les secrets de la charia dans ce hadith. D'après ce que le cheikh explique, il dit que il y a dans ce hadith qu'est-ce qui indique que les ordres, l'homme est excusé dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à qu'est-ce qu'il est incapable de faire. Si quelqu'un est dans l'incapacité de faire quelque chose, il est excusé hein, de cette chose-là. Lorsque quelqu'un n'a pas la capacité, comme par exemple si quelqu'un veut faire le hajj, il n'a pas d'argent, eh bien, il est excusé de ne pas le faire dans ce cas-là. Ou si quelqu'un veut faire l'oudou mais il est malade, il est excusé dans ce cas-là de ne pas pouvoir le faire. Si quelqu'un ne peut pas prier debout parce qu'il a une blessure, il est excusé de prier debout, il peut prier assis, ainsi de suite. Et cette règle-là, elle s'applique à toutes les règles de l'islam. C'est comme par exemple les ulama quand ils expliquent que si on n'a pas la capacité de faire le djihad, on est excusé dans ce cas-là. On n'a pas de péché puisqu'on n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est une règle dans la charia. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous êtes capable. C'est-à-dire, tant que tu es capable de le faire, tu dois le faire, mais si tu es incapable, eh bien, dans ce cas-là, tu es excusé. En ce qui concerne les interdictions, alors il n'y a pas ce pardon-là ou cette excuse, puisque, en réalité, le fait de s'abstenir de quelque chose, ça nécessite aucune capacité, puisque tu fais juste t'abstenir de le faire. Hein? C'est pas la même chose que quand on t'ordonne de faire quelque chose. Quand on t'ordonne quelque chose, c'est un taklif, on te met une charge sur le dos. Tandis que quand on t'interdit quelque chose, c'est le contraire, on te facilite la chose. Et c'est pour ça qu'on dit parfois, des fois, aux gens qui rasent leur barbe, on dit, subhanallah, c'est plus facile de la laisser pousser que de la raser. Donc le fait qu'on vous dise, par exemple, laissez-la pousser, c'est une facilité pour vous et non une difficulté. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaykh, il dit ensuite, وَقَوْلُهُ ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنَّ الْإِفْتِرَاقِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ هُوَ الْفِقْهُ فِي الدِّينِ. Il parle par la suite des paroles du shaykh. Il dit, دِلَالَةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَىٰ آخِرِهِ. الشرح, قُلْتُ, هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ مَا آلت إليه الأمة الإسلامية من التحزب حتى صار كل حزب لا يرى الدين إلا من خلال مبادئه وقواعده التي قاعدها وأصوله التي أصلها وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون وانطبق عليهم قول الحق جل ثناؤه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئكم بما كانوا يفعلون. Donc le cheikh il explique les paroles de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit que par la suite, plus tard dans la Umma, il y a eu des divergences et des divisions dans les fondements de la religion et dans les branches également de la science et dans le fiqh. Et donc il explique cette parole-là en disant que ça c'est une clarification de ce que le cheikh a mentionné, du fait que il mentionne que la Ummah islamique par la suite elle s'est divisée en parties et en groupes jusqu'à ce que chaque partie et chaque groupe considère ou voit uniquement la religion à travers les règles et les principes et les fondements qu'ils ont établis, et donc chaque groupe se réjouit de ce qu'il possède. Ça c'est malheureusement la réalité de ce qui se passe actuellement. Et donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est appliquée sur eux lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux, et leur jugement revient uniquement à Allah, puis il vous informera de ce que vous faisiez. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي يتوعد الله الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه كل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيء كاليهودية والنصرانية والمجوسية أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وسائر مسائله أصولية والفروعية الأصولية والفروعية وأمره أن يتبرع ممن فرقوا دينهم فقال لست منهم في شيء أي لست منهم وليس منك لأنهم خالفوك وعاندوك إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Donc le cheikh il mentionne le tafsir de l'imam Sa'di à propos de ce verset et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala fait la menace à ceux qui ont divisé leur religion et qui se sont divisés et qui ont fait des sectes et des divisions dans leur religion, chacun en prenant un nom particulier qui ne servira à rien à quelqu'un dans sa religion, comme par exemple les gens qui ont pris le nom de judaïsme ou de christianisme ou de majus ou des noms comme ça, ça leur servira à rien dans leur religion ni au jour de la résurrection, puisque ce sont des noms qu'ils ont inventés pour eux-mêmes qui ne viennent même pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ou bien ils s'accrochent à certains aspects de la charia et ils prennent de cet aspect-là ils prennent cet aspect-là comme si c'était la religion en entier et ils abandonnent une autre chose semblable ou ils abandonnent parfois même qu'est-ce qui est encore plus obligatoire et plus important dans la religion. Et ça c'est ce que font les gens de la division et les gens de bid'ah et les gens de l'égarement qui divisent la umma. Ils prennent une partie de la religion, une partie des règles de la charia et ils la prennent comme si c'était ça l'islam seulement. Et ils délaissent le reste de l'islam ou ils délaissent même parfois qu'est-ce qui est plus important que ça encore dans l'islam. Et il dit ensuite le cheikh que ce verset il indique que et il prouve que la religion nous ordonne de rester unis et de ne pas nous diviser et de ne pas diverger. Que ce soit dans les questions des fondements ou dans les branches qui découlent de ces fondements-là dans l'islam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer de ceux qui divisent la religion en disant « Lesta minhum fi shay » c'est-à-dire « Tu n'es pas d'eux, tu n'as rien à voir avec eux et eux n'ont rien à voir avec toi » parce qu'ils t'ont contredit et ils se sont opposés à toi. « Innama amruhum ila Allah » c'est-à-dire leur cas va revenir uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui va s'occuper d'eux, c'est-à-dire qui va les rétribuer, hein, qui va leur donner la rétribution qu'ils méritent pour leurs actions, puis il va les informer, il va vous informer, ou bien il va les informer de ce qu'ils faisaient. Qultu wa qad ja'at as-sunnah as-sahiha bi dhamm al-iftiraq fi ad-din wa min dhalika qawluhu افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة ويفسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله من كان على الحق وإن كان وحدك وإن كنت وحدك من كان على الحق وإن كنت وحدك. Donc il mentionne le cheikh que dans les hadiths et dans la sunna authentique il y a le blâme de la divergence et de la division dans la religion, comme c'est dans le hadith des 73 sectes qu'on a lu tout à l'heure, que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette umma se divisera en 73 sectes et qu'elle serait toute en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont dit laquelle, au messager d'Allah, il a dit c'est la jama'a. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a expliqué ce hadith là en parlant de la jama'a, il a dit que la jama'a c'est la vérité, c'est à dire que d'être sur la jama'a ça signifie d'être sur la vérité, ça veut dire de s'accrocher en fait sur le Coran et la sunna et la voie des salaf, même si tu es toute seule, même si tu es seul. Donc si par exemple tu es quelque part dans un endroit où tu es le seul à suivre le Coran et la Sunna et la voie des salafs selon la compréhension correcte et à l'appliquer, hein, et que tout le monde te contredit, tout le monde est dans autre chose que ça, les gens suivent d'autres sectes, d'autres croyances ou autres manahij, eh bien dans ce cas-là, la jama'a dans cet endroit-là c'est toi. La jama'a dans cet endroit-là c'est toi. puisque c'est toi le seul qui se tient sur la vérité et les autres musulmans, eux, suivent autre chose. Et c'est pour ça, des fois, vous avez des gens de bid'a, parfois, ils vous posent la question. Ils vous disent, est-ce que tu penses que tout le monde est dans l'égarement sauf toi? Tu penses que c'est juste toi qui détiens la vérité et que tout le monde est dans l'erreur sauf toi? Tu lui réponds, tu lui dis, celui qui est sur la vérité, c'est celui qui s'accroche sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Peu importe, même s'il est tout seul ou s'il est avec un groupe. Et si vous contredisez le Coran et la Sunna et la voix des salafs, même si vous êtes nombreux, vous n'êtes pas sur le haqq. Hein? Même si vous voyez que moi je suis seul, ça ne veut pas dire que je suis pas sur le haqq, puisque moi je me base sur la vérité qui vient d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des salaf as-salih, et vous avez contredit ça. Donc il n'y a rien qui empêche que une chose comme ça se produise. Et il y a à des époques, quand on posait la question par exemple à des ulama à l'époque des salaf, c'est qui la jama'a aujourd'hui? Eh bien, ils indiquaient un d'entre les imams d'Ahlus Sunnah. Hein? Quand on leur demandait c'est qui la jama'a aujourd'hui, ils disaient la jama'a c'est un tel d'entre les ulama, un tel d'entre les imams. Ils disaient que c'était lui, parce que c'était lui à cette époque-là qui était, disons, celui qui représentait Ahlus Sunnah wal Jama'a dans la science, et dans la connaissance, et dans la compréhension, et dans l'application, et ainsi de suite. Et ça répond en même temps à ceux qui, parfois, ils disent, vous entendez souvent ça parmi les Ikhwan, qui disent, on a un problème de représentation par rapport à la communauté musulmane. Ils disent, c'est qui est-ce qui représente la communauté, ou c'est qui est-ce qui représente les musulmans. Et il y a toujours ce problème-là, ou cette question-là qu'ils ramènent. Et donc, quand il y a un musulman, par exemple, qui s'accroche au Coran et à la Sunna et qui suit la compréhension des salafs, qui vient ou qui parle au nom de l'islam et qui explique les choses selon les preuves du Coran et de la Sunna et avec les références de l'islam, eux, ça leur fait pas plaisir ou c'est pas en accord avec leurs désirs et leurs passions, ils disent celui-là, il représente pas l'islam. Hein? Et quand quelqu'un il va parler à la télévision et qu'il est veston cravate avec un visage rasé et tout, et qu'il commence à dire oui l'islam accepte la laïcité, oui l'islam permet à la femme de ne pas se voiler, oui elle n'est pas obligée de faire ci et ça, non le niqab ça fait pas partie de l'islam, ainsi de suite, et bien là il dit ah lui il représente bien l'islam, hein, parce que comment il détermine qu'est-ce qu'il représente l'islam ou non, il se base sur le fait que est-ce que les koufars vont aimer, qu'est-ce qu'ils entendent ou non. Et s'ils trouvent que la personne elle parle d'une façon qui fait plaisir aux koufars et que les koufars l'applaudissent, ils disent ah lui il représente bien les musulmans. Ou bien s'il défend le Coran et la Sunna, il dit la vérité au sujet de l'islam, ils vont dire ah non lui il représente pas bien l'islam. Hein? Et il y en a des fois qui pensent, chez les koufars, ils se basent sur le nombre. Donc ils disent, bon, c'est la majorité. Si tous les musulmans font quelque chose ou s'abstiennent de faire quelque chose, ils disent, bon, celui qui ressemble à la majorité, c'est lui qui représente les musulmans. Hein? Donc si, par exemple, la majorité des femmes ne portent pas le hijab, ils vont dire, ben, dans ce cas-là, cette femme qui ne porte pas le hijab et qui parle à la télé, elle représente les musulmanes parce qu'elle ressemble à la majorité. Et c'est pas ça la référence. La référence c'est pas le nombre, comme on le voit dans ce hadith et dans la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. La référence c'est le fait d'être sur la vérité, d'être sur le haqq, et non pas de se baser sur la majorité ou qu'est-ce que le nombre dit. Et malheureusement, qu'est-ce que les gens de bid'ah souvent, qu'est-ce qu'ils font, et les koufars aussi, c'est de se baser sur le nombre. S'ils voient qu'il y a un plus grand nombre qui font quelque chose, ils considèrent que c'est ça la vérité, même si c'est contraire à ce que Allah a révélé. Donc le cheikh il dit ensuite wa aqul la khalas min shattati al-amr wa tamazzuq al-shaml wa tasaddu' as-sufuf illa bi amrayn awwaluhuma nabdh al-imtima'at allati afrazatha al-hizbiyya ad-dayyiqa wa antajat al-furqa wash-shahna wa thaniyatuha العودة إلى الجماعة السلفية فإنها الحنيفية فإنها الحنيفية السمحة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. Donc le cheikh il explique que on ne pourra jamais sortir de la division et de la divergence et de la division de nos rangs excepté en comprenant deux choses. La première chose, c'est qu'il faut rejeter toutes les appartenances de Hizbiya, c'est-à-dire de partisanisme ou d'appartenir à un groupe ou à quelque chose qui a des fondements, un groupe ou une association ou organisation qui a des fondements autres que les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et aller faire une association, c'est pas interdit, du moment que les fondements de cette association sont les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a et qu'elle collabore avec toutes les autres qui sont sur les mêmes fondements, c'est-à-dire qui sont sur les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a et qu'elle se désavoue des kuffars et des gens de bid'ah. Donc dans ce cas-là, c'est correct. Mais si des gens se réunissent pour faire une association ou une organisation et qu'ils établissent une charte ou une règle qui contredit les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a, dans ce cas-là, c'est pas permis de faire ce groupe-là. Et si les gens se rallient autour de ces principes ou de ces règles en contradiction avec les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a et de la Salafiyya, alors dans ce cas-là, ils ont créé une nouvelle forme de Hizbiyya, encore une fois, qui va diviser les musulmans. D'accord? Donc, il faut se détacher de ça. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans des groupes aujourd'hui, que ce soit les Ikhwan, ou les Tablir, ou d'autres, ils doivent se détacher de ces groupes. Les Ikhwan doivent quitter le groupe des Ikhwan et cesser d'appartenir à ce groupe. Et ils doivent se rattacher à la compréhension et au fondement des salafs. Et les Tablir doivent quitter ces groupes-là et revenir aux principes et aux fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a et se désavouer des principes et des règles qui sont en opposition avec les règles de Ahlus Sunnah wal Jama'a dans ces groupes-là. Deuxièmement, c'est de revenir à la Jama'a Salafiyya, comme je disais. Ça, c'est le deuxième point. Parce que As-Salafiyya, c'est Al-Hanifiyya Tussamha. C'est-à-dire, c'est la religion d'Abraham et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la voie blanche, éclatante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé en disant que sa nuit, elle est comparable à son jour. C'est-à-dire qu'elle est tellement claire que même le jour ou la nuit, c'est la même chose. Elle est claire, on voit cette voie, elle est claire. Et personne ne peut s'en écarter, excepté que s'il s'en écarte, il va aller à sa perte. Et c'est le groupe sauvé et le groupe victorieux. Donc, ça c'est l'obligation de tout musulman qui est sincère et qui veut réellement l'unité et que les musulmans soient unis. Si quelqu'un, tu l'entends parler d'unité et de dire qu'il faut arrêter de se diviser, mais qu'il n'accepte pas ces deux points-là, ça veut dire qu'il ne veut pas vraiment que les musulmans s'unissent. Il veut juste parler d'unité comme ça, mais il veut rien de concret, en fait. Et le cheikh, il dit ensuite, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله فإن لم نؤمر بأن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. انتهى محل الفرض. Donc, le cheikh il mentionne cette citation de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Majmou' al-Fatawa, la page 149. Il dit, le volume 4 à la page 149, il n'y a aucun blâme pour celui qui montre la voie des salafs, ou bien qui dit appartenir à la voie des salafs, ou bien qui se dit salafi. Il n'y a aucun blâme pour ça. Parce qu'il y a des gens maintenant à notre époque, essaient de remettre en question l'appellation salafi. Ils disent non, mais il ne faut pas dire salafi, yani, ça crée de la division, ou bien c'est quelque chose qui est qui n'existait pas. Il y en a qui prétendent même que ça n'existait pas avant, alors que l'appellation des salafs, c'est quelque chose qui existait depuis l'époque des salafs. Hein? Eux-mêmes, ils se désignaient, quand les tabi'ines parlaient des sahabas, ils disaient nos salafs. Hein? Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa propre fille, ni'matu salaf, ana laki. Hein? Quel bel exemple, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc ça, c'est des exemples. Et dans les paroles des imams, dans Sahih al-Bukhari, les tabi'ines qui désignent les sahabas en parlant d'eux, en disant qu'ils sont des salafs, et ainsi de suite. Et le fait de se dire salafi, il n'y a rien de contraire à l'islam là-dedans, sur le plan linguistique. Puisque c'est quelque chose qui est permis, comme on dit qu'on est sunni lorsqu'on suit la sunna. Hein? Est-ce que quelqu'un va dire que de se dire sunni c'est quelque chose d'incorrect? Hein? Donc de se dire salafi c'est la même chose. C'est un synonyme. Hein? Ça veut dire exactement la même chose et c'est quelque chose qui est ordonné par Allah. Allah nous ordonne dans le Coran de suivre les salafs. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » Donc, il dit dans ce verset-là, les premiers d'entre les croyants qui ont précédé dans la foi, parmi les muhajirines et les ansars, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Donc, qui ont suivi, hein, qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet qu'il les a agréés et qu'il est satisfait d'eux. Ça, c'est un ordre de les suivre. Hein? Sans parler des autres versets qui prouvent ça aussi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, يعني فعليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Ça c'est un ordre de les suivre. Et également lorsqu'il dit, en parlant du groupe sauvé, ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons. Ça, c'est aussi un ordre de les suivre. Donc, celui qui a quelque chose contre le fait d'être salafi, il a quelque chose contre la sunna. Il a quelque chose contre la sunna qui nous ordonne de suivre les salafs. Hein? Et, yani, comme je disais, le fait de se dire salafi, c'est quelque chose qui yani, signifie que tu te réfères à eux et que tu suis leur voie et leur compréhension de l'islam. Ça ne veut pas dire comme certains, parfois, qui essaient de ridiculiser les salafis en disant qu'ils pensent que ça veut dire qu'on veut vivre comme si on était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire de rejeter toute la modernité et les moyens technologiques qui ont été inventés à notre époque. Comme si on devait vivre sans utiliser l'électricité, sans utiliser les voitures ou des choses de ce genre. Et ça, c'est ridicule. Puisqu'il n'y a rien dans le fait d'utiliser ces moyens modernes qui contredit le Coran et la Sunna. Hein? Nous, on parle yani, de suivre les salafs, c'est-à-dire de rejeter ce qui est en opposition avec la Sunna dans les adorations et dans les questions de ibadat et de aqidah. Hein? Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'utiliser des moyens techniques ou modernes pour les affaires de la dunya. Hein, du moment que c'est halal, on a le droit, puisque c'est des choses qui sont mubah. Hein? Et en ce qui concerne le fait que certaines personnes qui ramènent l'objection qu'il y a des gens qui se disent salafis, mais qu'ils ne respectent pas le bon exemple de nos salafs. Il y en a qui disent ça, par exemple. Ils disent, ouais, mais il y a plein de salafis, ils se disent salafis, mais quand on regarde leur comportement, ils n'ont pas un bon comportement, ou ainsi de suite. Ils n'agissent pas comme le khuluq des salafs. Ou bien, certaines personnes qui se prétendent salafis, mais ils contredisent la salafia sur certains points. On retrouve souvent ce genre d'objections de la part des hizbiyins, ou des takfiriyins en particulier, des sururiya, qui essaient d'éloigner les gens d'utiliser cette appellation-là. Hein, pour les rapprocher d'eux et les ramener vers justement qu'est-ce qui contredit la voie des salafs, parce que souvent c'est des gens qui opposent les salafs, hein. Donc ils ne veulent pas entendre ce nom-là et cette appellation. Alors l'important de comprendre, c'est que quand on se dit salafi et qu'on ne respecte pas les exemples, c'est comme qu'est-ce que le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah il a dit dans cette parole justement. Et je vais vous traduire qu'est-ce qu'il dit, comme ça vous allez voir, en même temps ça répond à ces gens-là. Hein. Le cheikh il dit que toute personne qui s'apparente au salaf et qui dit qu'il est salafi, c'est obligatoire pour nous de l'accepter de sa part selon l'accord de tous les ulama, bil ittifaq. Il dit parce que la voie des salafs ne peut être que la vérité. Et là, c'est là qu'il clarifie. Il dit si il est en accord avec les salafs intérieurement et extérieurement, alors il est au niveau du mu'min qui est sur la vérité intérieurement et extérieurement. Mais si il est d'accord avec eux seulement dans l'apparence et non à l'intérieur, alors il est comparable au munafiq. Il est comparable au munafiq. Donc on accepte son apparence et qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va le juger pour ça, parce que personne, hein, Allah ne nous a pas ordonné de faire des trous dans les cœurs des gens ou trouver les cœurs des gens pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ou bien d'ouvrir leur ventre pour voir est-ce qu'ils sont sincères ou non. C'est pas notre rôle, c'est pas notre devoir. Nous on se base sur les paroles et les actions extérieures et apparentes. Si c'est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. Si c'est en contradiction, on dit à la personne tu as contredit. Et c'est comme ça, hein. Et on donne la nasiha et ainsi de suite. Maintenant, si quelqu'un par exemple il prétend suivre la voie des salafs dans son intérieur, puis que dans l'extérieur il a des contradictions, eh bien là, c'est que son degré de foi et son degré d'application de l'islam va être défaillant selon la faiblesse ou bien le manquement qu'il a dans l'application des principes et de l'application des salafs. Et les salafs, ils ont expliqué la définition de la foi en disant qu'elle augmente et elle diminue, hein. Et donc, plus quelqu'un s'accroche à l'islam intérieurement et extérieurement, plus sa foi est grande, et plus il s'accroche à la salafie, donc plus sa foi augmente. Donc, c'est sûr que si t'es salafi, ça veut pas dire que t'es parfait. Il y en a qui pensent que si tu dis que t'es salafi, ça veut dire que t'es parfait à 100%. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que, hein, tu t'écartes des innovations et tu t'accroches au fondement de l'islam. Et tu essaies d'être le meilleur possible. Hein? Et si tu peux être meilleur, bon, donc alhamdoulilah. Si tu as des manquements, eh bien tu essaies de corriger ces fautes-là. Si tu fais des péchés, tu essaies de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon et de te corriger de tes erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés. Hein? Donc ça c'est important. Ensuite, en même temps, c'est important aussi, si on se dit salafi, il faut comprendre en même temps qu'on a une certaine responsabilité, qu'on représente quelque chose. Donc il faut essayer de donner une bonne image, dans le sens que on applique nos principes. Qu'est-ce qu'on prêche, on essaie de l'appliquer le plus possible, hein, dans la mesure du possible, pour donner le bon exemple et pour pas se contredire soi-même. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider là-dedans. Maintenant, on a terminé donc cet aspect-là. Il y a un autre point maintenant que le cheikh il explique, c'est le fondement numéro 3, al-aslu thalith. Donc, on peut, si vous voulez, juste lire l'introduction, puis on continuera demain à expliquer les versets et les hadiths qui parlent de ce fondement-là demain, bi-ifnillah. Donc, le cheikh il dit, al-aslu thalith, anna min tamam il-ijtima' al-sam'u wa ta'a liman ta'ammara alayna, walau kana abdan. ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Donc le troisième fondement, il est relié avec le deuxième. Ces deux points-là, ils sont reliés les uns les autres, puisque, comme les ulama l'expliquent, il n'y a pas de jama'a sans imam. Il ne peut pas y avoir de jama'a, d'unité ou de groupe unis sur la vérité sans qu'il y ait un imam. un dirigeant. Et donc, c'est pour ça que les ulama, ils encouragent et ils incitent les gens à écouter et à obéir aux dirigeants. Et c'est ça le point. Les ulama, ils incitent à ça parce que c'est ce qui amène les musulmans à rester unis et à ne pas se diviser. Donc ça, c'est le point numéro 3. Il dit que pour réellement arriver à s'unir complètement, il faut respecter le principe d'écouter et d'obéir à celui qui a l'autorité sur nous, même si c'est un esclave éthiopien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça d'une explication claire, et il a donné des exemples de ça et des clarifications de ça dans la charia et même dans les exemples de qu'est-ce qui se passe dans la réalité, jusqu'à ce que cette chose-là devienne quelque chose de presque inconnu de la plupart des gens qui prétendent la science. Alors si c'est quelque chose qui est devenu inconnu des gens qui prétendent la science, alors que dire de l'application de ce principe-là, donc ça c'est des choses, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, ça c'est quelque chose qui est devenu étrange à notre époque, ce principe. Beaucoup de gens l'ignorent. Pourtant, si tu retournes au livre des imams des salafs, ils ont tous confirmé ce principe-là dans leur livre de Aqida. Si tu retournes sur le sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal, à sunna de son fils Abdullah ibn Ahmad, à sunna de l'imam al-Barbahari, à sharia de l'imam al-Ajuri, à sunna de l'imam ibn Abi Asim, à sunna de l'imam al-Humaydi, si tu retournes aussi également à la aqida des deux imams al-Raziyayn, Abu Zura et Abu Hatim, qui ont une aqida, et parmi les fondements qu'ils mentionnent, il y a celui-là, également, tous les autres livres qui ont été écrits par les imams des salafs, comme le livre de l'imam al-Lalakai, Usul i'tiqad, Sharh Usul i'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a, tous ces livres-là, dedans tu retrouves Al-Ibana de l'imam Ibn Battah, et tu peux en mentionner comme ça. Pendant des heures, il y en a des centaines de livres écrits par les imams des salafs au sujet des fondements de la sunna, et ils mentionnent tous ces aspects-là dedans. Donc c'est quelque chose qui est connu, et ça fait partie de l'ijma, comme j'ai mentionné hier, malgré que beaucoup d'entre les gens aujourd'hui, ils ont été éduqués ou ils ont entendu pendant des années les idées des Ikhwan et les idées des Khawarij, et ils en sont arrivés à penser que c'était ça l'islam. Donc il faut rééduquer maintenant les musulmans et les ramener à la compréhension de l'islam, parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe et on comprend que il ne peut pas y avoir de force chez les musulmans sans qu'il y ait une unité. Et il ne peut pas y avoir d'unité sans qu'il y ait l'écoute et l'obéissance des dirigeants et des responsables. Mais quand on regarde la société occidentale et les idéologies modernes chez les koufas de l'Occident, ils ont basé leurs idéologies sur, le refus de l'autorité et le rejet de toute autorité. Pour eux, l'autorité, c'est quelque chose de mauvais. L'obéissance, c'est quelque chose de mauvais. Même le mot « obéir », ils ont quelque chose contre ça. Le mot soumission, c'est quelque chose qui les répulse. Ils ont de la répulsion par rapport à ce mot-là. C'est pour ça quand ils parlent, par exemple, de la soumission à Allah, ils refusent ça. La première chose qu'ils ont refusée comme autorité, c'est l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'autorité de leurs dirigeants. Ensuite, l'autorité de leur religion. Et par la suite, l'autorité de la femme, de l'homme sur sa femme et sur sa famille. Mais par la suite, l'autorité des parents sur les enfants. Donc, toute forme d'autorité, elle est rejetée dans cette société-là. Et ça amène quoi? Ça amène pas l'ordre, ça amène le désordre, ça amène le chaos. Et donc, l'islam, on voit dans les principes de l'islam que c'est le contraire. Le respect de l'autorité, il existe dans l'islam. En premier, l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'autorité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'autorité des ulama et des dirigeants. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, on voit que les ulama de tafsir, ils ont expliqué que ulul amr, ce sont les dirigeants et les ulama. Hein? Ils ont expliqué que ce sont les dirigeants et les ulama. Donc ces deux-là, ils ont une autorité. Hein? Et ensuite, l'autorité yani du père sur sa famille. La femme et les enfants, ils ont les femmes doivent obéissance à leur mari et les enfants à leurs parents, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a un respect, il y a un ordre. Regardez même juste par exemple dans les écoles, les enfants respectent même plus les professeurs et les enseignants. Il n'y a plus de respect pour l'autorité. Donc tout ça c'est le fruit de cette société-là, et ils prêchent ça dans le monde pour semer le désordre. Et donc c'est important de faire comprendre aux musulmans maintenant, de les faire revenir aux principes de l'islam et de leur faire comprendre que ces choses-là, c'est pas acceptable, c'est contraire à l'islam. Donc le cheikh il dit إن هذا الأصل من أخطر الأصول وأعظمها وقد أجمع على هذا الأصل أئمة المسلمين أئمة المسلمين أئمة أهل السنة والجماعة وحاد عنه أهل الأهواء وتنكروا له فضلوا وأضلوا ولا يزال المتكلم في هذا الأصل يرمى بأشنع الألقاب والأوصاف وما ذلكم إلا لتنكب الناس السنة وركوبهم البدعة فإن البدعة ظلمات وبلايا يجر بعضها بعضا ولننتبه أو لنتنبه ونحن نتحدث عن هذا الجانب العظيم وهذا الأصل الخطير إلى عدة أمور. Donc le cheikh il explique que ça c'est un des fondements parmi les plus dangereux d'entre les fondements si on le contredit, hein? Et un des plus importants et un des plus grands sur lequel les imams de l'islam et les imams d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a se sont tous mis d'accord. Et les gens de la passion se sont écartés et ont dévié de ce principe-là et ils l'ont rejeté. Ils se sont donc égarés et ils ont égaré les autres. Et le cheikh il mentionne un point et qui est réel, hein, maintenant on le constate, il dit, et la personne qui parle de ce fondement-là aujourd'hui, il se fait accuser et il se fait jeter les pires noms, hein, et les pires sobriquets, hein, et les pires descriptions, et les pires surnoms. Hein? Aujourd'hui tu parles de ce fondement là tu dis aux gens il faut écouter, obéir aux dirigeants, tu les vois, ils commencent à t'accuser, ils commencent à te dire ah toi t'es un vendu, t'es un ci, t'es un ça, hein? T'es un agent des gouvernements, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils disent maintenant aux gens qui appellent à ce fondement là d'accord. Donc ça c'est un exemple et c'est la preuve que ces gens là ils n'ont rien compris des principes de la sunna, malheureusement. Et ils pensent que quand on appelle à ces choses-là, c'est pour le dirigeant lui-même, dans le sens que pour lui faire plaisir. Hein? Ça n'a rien à voir. Quand on appelle les gens à respecter ce principe-là, c'est pas parce qu'on fait ça pour faire plaisir à un dirigeant qui fait de l'injustice, et parce qu'on veut le protéger, ou on veut le défendre dans l'injustice qu'il fait. Non, on déteste l'injustice qu'il fait. C'est pas pour ça qu'on dit ça. On appelle à ça parce que c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. On appelle à ça parce que c'est l'ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est obligé de le respecter, hein? Et ça c'est quelque chose que des gens n'arrivent pas à comprendre parfois. Ils pensent que on fait ça parce que on veut faire plaisir aux dirigeants, on veut qu'ils nous donnent quelque chose en retour. Non, on veut rien des dirigeants du tout, mais nous on veut pas le désordre et on veut pas la corruption. Et on veut pas le sang qui coule, hein? Et on veut pas la division, et on veut pas la fitna. Et on voit plus loin que qu'est-ce que ces gens-là voient. Eux, ils voient juste pas, ils voient pas plus loin que leur nez. Ils pensent que ils vont juste faire ça, puis après ça y est, c'est fini, ils prennent le pouvoir, ça va arranger tous les problèmes. Non. Premièrement, ça arrange pas les problèmes, ça les aggrave. Et ça, on le constate. Et en plus, Yani, comme on a vu, yani ça, en tout cas, on va en reparler de ça de toute façon avec d'autres exemples au fur et à mesure que le cheikh explique. Mais il dit donc que la raison pour laquelle les gens commencent à donner des surnoms ou des mauvaises descriptions aux gens lorsqu'ils appellent à ce fondement-là, eh bien c'est parce qu'ils ont laissé de côté la sunna et qu'ils ont monté sur la bid'a, sont montés sur la bid'a. Et la bid'a, c'est des ténèbres, c'est de l'obscurité, c'est des malheurs qui s'amènent les unes sur les autres. Hein? Tandis que, donc, le cheikh dit, c'est important de faire très attention à ce point-là, et on va en parler de cet aspect très important, on va expliquer que ça c'est un fondement, et que c'est un fondement très dangereux, et il y a plusieurs points à prendre en considération par rapport à ce sujet-là. Premièrement, le cheikh dit, أولاً, ليس غفلة من الشيخ قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا في السنة من وجوه فلا يظن ظان أن الشيخ أغفل نصوص الكتاب ولكن الشيخ قال هذا فيما نظن لأن لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر ورد في الكتاب وجاء في السنة بيان ذلك. Donc le cheikh, il dit premièrement, il ne faut pas penser que le cheikh, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça dans la sunna, qu'il ne faut pas penser que ça veut dire que le cheikh a négligé le fait que cet aspect de la religion est mentionné également dans les textes du Coran. En fait, on pense plutôt que le cheikh, il a mentionné que ça se concentre dans la sunna ou que ça se situe dans la sunna, c'est-à-dire l'ordre d'obéir aux dirigeants et de rester avec la jama'a. Yani, on pense que le cheikh il sait que ces choses-là se trouvent dans la sunna et dans le Coran également, et on va expliquer justement les preuves des deux références par la suite. Le cheikh il dit wal amr athani anna fil amr bilouzoum al jama'ati wat ta'a wat ta'ati tamma li wali al amr fi ghayri ma'siyatillah كما سيأتي تفصيل ذلك من أعظم الكمال في التشريع ومن أعظم كمال الشريعة فإنه باجتماع الكلمة يتوحد الصف وتتآلف القلوب ويسود الأمن وعند الاختلاف يكون الشقاق وتسود الفرقة ويأكل القوي الضعيف وتصبح الغلبة لا للحق بل الغلبة لذوي القوة. Donc le cheikh il explique que yani il y a dans qu'est-ce qu'on va expliquer l'ordre de s'accrocher à la jama'a et d'obéir complètement aux dirigeants tant qu'ils n'ordonnent pas de faire un péché. Et les détails de ça vont être expliqués par la suite, et il y a là-dedans la perfection de la charia. Il y a qu'est-ce qui indique la perfection de la charia. Et qu'est-ce qui amène les musulmans à s'unir, à unir leurs paroles et à unir leurs reins et à unifier également leur cœur, à rapprocher leur cœur et à faire que la sécurité règne dans la société. Parce que lorsqu'il y a des divergences, de la division, c'est là qu'il y a de l'injustice qui se propage dans la société. Le fort mange le faible. Et c'est la loi de la jungle, en fait. C'est pas la vérité qui a le dessus, mais plutôt c'est celui qui a la force. Donc le cheikh il explique que ce chapitre ou ce fondement va être divisé en quatre points. Le premier point c'est l'explication des versets du Coran à ce sujet-là. Le deuxième point c'est les ahadiths qui sont mutawatira sur ce sujet-là, qui sont mutawatir dans leur signification. Et le troisième, c'est yani, les paroles des salafs de cette umma et des ulama qui ont confirmé ce principe. Et quatrièmement, comment on donne la nasiha aux dirigeants. Comment on donne la nasiha aux dirigeants. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, puis on va yani, continuer la suite de ça. Demain, bi'ivnillah, demain matin, inshallah.